René Fazel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, et sa suite sont arrivés le 24 courant à Pyongyang par avion.